Thank you.

Thank you. Salut petit canard. Still no. We'll stone the day. Eh, c'est bien tes compos, Donna. Tu peux pas la rejouer ta compo que quand tu joues toujours quand je suis au boulot. Chier, d'aller bosser. C'est dommage, une carte son qui n'est pas assez. Yeah, to stick an eye. Well, for last you don't wear the fifth tone. Putain, je suis en mono. We're gonna take 130. La mesure 7 et 8. Ça change à 8, à la mesure 8. Ah, j'aime bien ça, la TR 808, regarde. Ça bug, ça bug. Je crois qu'il est temps d'aller manger.